Frappose comme le chiffre. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis, je me dis que le monde est trop petit. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis. J'ai surgi comme un missile, ça m'est égal comme estime. J'ai graillé des choses pas comme estime. Je laisse une trace tout comme Messi. Enfoiré, je suis pas d'ici. Vous vous êtes trompé de cible. Je fais la coupe du magazine. Moi, je suis une resta dans le massif. Je fais de la chirurgie. Tu sais de quoi il s'agit. Lambo SVJ. En soirée dans un film, t'arrives en retard comme les flics. Ça parle de tout de ti dans mon dos tout comme des filles. Blanc. Oui, Odina Odi. À voir que je suis Bill ou le mec des ventes en ligne. Y'a tout qui s'amplifie, 105 000 sur un deal. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis, je me dis que le monde est trop petit. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis. Je suis posé pas loin d'ici, bien souvent je suis indécis. Je les colle ou bien je les chiffre, je l'ignore ou bien je le kill. La peu ou bien le shit, royalement je mets les deux. Regarde-moi dans les yeux, je suis comme ton ex en mieux. J'en pèse que j'ai vengé, même en tôle je suis branché. Je pleure pas avec la clé, tu trouveras pas le point G. La frappe de Ketamine, la poudre de Tanger. Les narines pleines de C, t'as pas dû sentir le danger. Bref. J'suis dans le dernier Audi. J'tire une date sur le pilon, puis je recrache une mélodie. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis, je me dis que le monde est trop petit. Néglige pas tout ce que je te dis, fais les choses bien, anticipe. Tu vas tomber sur un drôle de type, petit dangereux comme Joe Petit. Sans le français, tout comme les chiffres, top top top là la PJ. Zéro sur le toit, je réfléchis.